Yo-Yo 89.5. Du mardi sur 2 à 21h. Et aussi sur radiorageuse.net. Bonsoir. Vous êtes en direct sur Radio Dio 89.5 FM à Saint-Étienne. On est le mardi 10 mai, il est 21h02 et c'est l'heure de Comme un ouragan, l'émission féministe et transpédéguine. Alors déjà ce soir, on est très contente parce qu'on accueille deux nouvelles personnes, Sora et Mimo. Et on espère qu'elles vont autant kiffer que nous de faire de la radio. Ah oui, on espère. Ouais. On va essayer. C'est sûr. Et dans cette émission, ce soir, on va vous parler de livres qu'on a aimés dernièrement, de livres féministes et transpédéguines. On va vous lire des extraits. Il y aura une petite interview d'une traductrice d'un des livres qu'on va vous présenter. Et pour commencer, il y a une des personnes de Comme un ouragan qui n'est pas là ce soir, mais que si elle nous écoute, on l'embrasse bien fort, ah oui, qui nous a proposé un extrait de livre qu'elle a particulièrement aimé ces derniers temps, et du coup, qu'on va vous lire. Et du coup, il s'agit du prologue du livre de Devenir chienne d'Itzar Tsiga, et il est écrit par Virginie Despentes. Un père rose, robe décolletée en mousseline noire, décousue à l'épaule, ongles courts mais vernis, cheveux longs, extensions, cheveux courts, cheveux foncés, teint en rouge, en blond, perruque fuchsia, une intelligence à la mesure de son pouvoir de séduction, une résistance face à l'injustice à la mesure de son talent d'organisatrice d'orgie, un sac caniche dont l'ouverture laisse apparaître un porte-monnaie à poids et la dernière brochure des rencontres transpédées putes Gwyn. Paillettes bleues sur les paupières, diamants en plastique au doigt, récupération, accumulation, resignification, un programme pour devenir chienne. Itziar Tsiga connaît la ville comme la connaissent ceux qui vivent constamment dehors. Elle arpente les rues comme si celle-ci lui appartenait. Petites chaussures de princesse, mais aux semelles usées. On voit bien qu'elle a fait tous les trajets, de jour comme de nuit, tantôt alerte, tantôt défoncée, les yeux pleins de larmes ou de rage, en groupe, en couple, en trio, seule, mais faisant toujours partie de la meute. Femme d'extérieur, fille de bar, traînée des librairies et coureuse de manifestations, Itziar Tsiga est un thermomix politico-culturel. La campagne et la ville, sa mère et ses collègues, le Pays basque et la Catalogne, la copla et le féminisme irakien, Judith Butler et Manuela Trazobares, la théorie queer, et les ateliers de Pantorismo, la culture trans, et les grands-mères putes, Alaska et Benetiti, Sainte-Agathe et la douce Neus. Itziar Tsiga est une drag bitch, une chienne travestie, une bio-femme capable de produire une version pute de la féminité. Non pas comme artifice théâtral, la mise en scène coûte assez cher aux autres comme ça, mais comme stratégie de la guérilla. Or, on ne naît pas chienne, on le devient. Il s'agit donc d'une féminité recyclée, dans laquelle rien n'est bio ni cru, dans laquelle tout a été cuit et recuit, pour ne pas dire vomi. Une féminité faite des déchets de genre trouvés dans les poubelles de l'hétérosexualité normative, des invendus du tout à un euro du patriarcat. Ceux qui ont toujours affirmé qu'on ne doit aucune politique ou esthétique camp aux cultures féministes et lesbiennes, à l'exception de la subversion de genre proposée par les butch et les drag kings, devront ranger leurs vieilles étiquettes et inventer un nouveau concept s'ils veulent comprendre le défi proposé par devenir chienne. Dans les poubelles de l'hétéro-capital, Itziar Tsiga récupère le boa de plumes radioactives, la robe flamenca déchirée, rappelant celle portée un jour par Ocaña lors d'une promenade sur les Ramblas, le talon haut mais large de pute coureuse de rue, et même la poudre de luxe, et les bouteilles de Tchibeka. Grâce à cette nouvelle manière de faire qu'invente Itziar Tsiga, les crapules des bas-fonds au goût pervers, historiquement exclus des circuits de pouvoir réservés à l'hétérosexualité blanche de classe moyenne, peuvent enfin intervenir dans les processus de production du signifié, en y introduisant leur propre code. C'est contre les nouvelles formes de soumission sociale engendrées par les impératifs du marché que se développe le glamour de caniveau de chienne au chômage et sans perspective d'emploi. Idyar Dziga et ses amis chiennes affirment qu'il existe une forme de vie intelligente au-delà d'Hétéroland, de ses régimes miracles et de ses lave-vaisselles laissant les tupperwares impeccables, mais aussi au-delà de la femme libérée et de l'égalité de genre, au-delà du gay reconverti en chef de rayon et de la lesbienne discrète et travailleuse. Les chiennes se moquent des codes des riches, les nouveaux pauvres, de leur nouveau sac Prada à moitié vide et de leur visage effrayé face à la crise. Les chiennes se foutent de la crise parce que la crise est la seule vie qu'elles connaissent. Ce qui rend singulière l'écriture d'Itzar Dziga, à la fois collective et radicalement personnelle, n'a pas de rapport avec le fait d'être né femme ou homme, mais plutôt de venir des milieux dans lesquels, traditionnellement, on n'écrit pas. Écriture chienne, langue précise façonnée par la pratique du journalisme, langue politique, mais aussi langue lascive. Ce livre se dresse contre la tradition qui réserve le pouvoir d'écrire et de publier à une classe privilégiée, une communauté restreinte autorisée à s'exprimer. Mais aussi ce qui s'est opéré au sein même du mouvement féministe, la production d'hégémonie à travers l'exclusion discursive. L'écriture d'Itziar Dziga surgit de la périphérie de la grande ville, des bars d'immeubles d'Errenteria, de la périphérie du langage universitaire, mais aussi de la périphérie du féminisme. Des périphéries viennent les meutes, quand la féminité se construit en meute et se transforme en féminité subversive. Une chienne seule est une chienne morte. Une meute est un commando politique. Les chiennes ne se consacrent ni à la cuisine ni à la surveillance des enfants de la patrie. En meute, chaque chienne est capable de mordre, de s'organiser pour vivre en dehors du foyer. Les chiennes d'Itziar Dziga sont des animaux des confins, des salopes transnationales ou des gouines sans papier pour qui le glamour de dépotoir est une façon de résister aux constructions normatives de genre, de classe, de sexualité ou d'appartenance nationale. La meute n'est ni la communauté, ni le ghetto, ni le parti politique. Dans la meute de chiennes, il n'y a pas de loi de genre ou d'identité sexuelle. Les talons ne valent pas plus que les moustaches, qu'elles soient bio ou postiches. Et comme la meute est une machine collective de baise pour résister et pour inventer d'autres formes de plaisir, les garçons trans et les camionneuses les plus austères en font partie. Écriture chienne, mais aussi écriture meute, comme dans un album de hip-hop, Itziar Dziga pose un solo entrecoupé par des voix de chiennes superstars, déplaçant les genres de la sociologie et de l'anthropologie pour inventer un féminisme bâtard et sans collier. Mot mitraillette qui ouvre un passage dans lequel courent, voire bondissent, toutes les figures de la féminité habituellement désignées comme victimes. Femmes voilées, au crâne rasé, violées, femmes trans, femmes couvertes de bleu, travailleuses du sexe, nymphomanes. Celles qui parlent ici sont des chiennes savantes, à la différence des pionniers de l'activisme travesti et PD de caniveau de l'immédiat post-franquisme, pour lesquels l'exclusion culturelle venait s'ajouter à la précarité économique. Les chiennes d'Itziar Dziga collectionnent les diplômes universitaires, inutiles sur le marché du travail, mais efficaces comme moyen d'accès à certaines formes de pouvoir. Parlent plusieurs langues et ont pénétré, à tous les sens du terme, les communautés queer de plusieurs continents. Pour toutes celles qui n'ont pas encore eu la chance de croiser Itziar Dziga sur le chemin, ce livre leur donnera un aperçu de la veine la plus lycanthrope de l'activisme féminisme contemporain. Et mordu par ces mots, peut-être que vous aussi deviendrez chienne. Niñas oscuras, nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra. Somos las lobas, empoderada como tantas. Soy venguadicta, sentencia mi apariencia. Es un arma de doble filo. Voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí hoy es terrorismo. Si estoy lucho con mi cuerpo, porto mi kalashnikov en el esófago. No busques mi boca porque vas a tragar vómito. Justicia, justicia. Despierto en brazos de la ira, arado desnuda en sus mares, voy mojada entre calambres. No hay cumbre que se nos resista, es la alianza de quien creyó en hacer realidad la magia. Viajo al centro de mi tierra si sus manos acarician mis entrañas. Lady Katana, ella es la dama de mis noches y mis días. Solo me atan sus esposas, nuestras razones son obvias. Novias. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a quien nos ladre. Sigue la lucha, entro en la ducha y salgo al mundo de cristal. Sobre tacones de aguja soy la guerra despertar. Nuestro enemigo es el sistema, maldito hetero patriarcal. Vamos, arráncate el bozal que te impusieron. Con tu oído en el cielo y vamos a pisar las calles. Ha llegado la hora del baile, esta es nuestra revolución. Nuestra música es eterna, la pasión, nuestra canción más entonada. Mandrágora de trago conspirando en las mazmorras de sus cárceles de fango. Únete, vámonos de caza, que hoy quiero pintar mis labios con sangre de la venganza. Me quiero sentir en casa en estos lares y lanzar un grito al aire. Aún no ha nacido quien nos pare. Aún no ha nacido quien nos pare. Vous êtes sur Radio Audio 89.5 dans Comme un ouragan et on vient d'écouter Ninas Oscuras de Furia. Voilà. On passe à une autre lecture. Ouais, moi j'ai envie de vous lire un extrait de Tarja Marx, un texte qui s'appelle « Mon genre, c'est grosse ». Et c'est un texte qui fait partie d'un recueil de textes qui s'appelle « Abécédaire des féminismes présents ». Donc c'est un livre coordonné par Elsa Dorlin. Et c'est un texte que Tarja Marx a lu pour la première fois à la Maison de la Poésie. Et Tarja Marx est une militante féministe qui lutte contre la grossophobie. Et voilà. Avant de commencer la lecture, je vais juste faire un petit trigger warning. Voilà, ça parle d'agressions sexuelles, de viols et de violences grossophobes. Donc voilà. Et aussi, je voulais préciser que moi, je ne suis pas directement visée par la grossophobie, que je n'ai pas vécu de violences grossophobes comme on pourra l'entendre dans le texte, et que je vais quand même dire « je » parce que c'est le texte, mais voilà. Et bah, bonne écoute. J'ai attendu la bite, celle qui viendrait enfin me sauver. J'ai cru que j'allais l'attendre longtemps, car j'ai un secret. Mais en l'honneur de la marche des fiertés, je peux vous le confier, je crois. Je suis grosse, très grosse. Voilà, c'est dit. C'est mon coming out. Mon genre, c'est grosse. Pas femme, pas homme, pas non-binaire. Aucune déclinaison, juste grosse. Si le genre est une construction sociale, voilà comment la société me définit. Grosse. Je suis le gras, je suis le volume. Je suis seulement ça. Mon autodétermination s'étouffe dans la graisse jaune et dure, juste là, entre mon nombril et mon pubis. Je suis la grosse, toujours. La plus grosse de la classe, la plus grosse de la soirée, de l'ascenseur, de la maison de la poésie ce soir. Demain, vous direz, il y avait une grosse qui lisait un texte, c'était moyen. Je suis la grosse. C'est un peu comme une être, une sous-femme, car je suis socialement moins pénétrable que la femme. Je suis moins marketable. L'homme ne veut pas sortir à mon bras. Je n'ai pas de valeur ajoutée à lui apporter. Je ne suis pas la beauté, je ne suis pas la minceur. Je ne suis pas l'élégance, je ne suis pas la maîtrise. Je ne suis pas une femme. Je suis une grosse. L'homme souhaite néanmoins me pénétrer, en secret si possible. Il me poursuit dans la rue et me traite de grosse vache quand je refuse de le sucer entre deux voitures. Il me baise sans mon consentement, puis prétend que je mens, que personne ne peut vouloir plonger sa queue dans la grosse. Il entre en relation avec moi et me collectionne, comme un objet. Il range les grosses sur son étagère mentale, de la plus énorme à la moins mobile. Il glisse sa bite entre mes bourrelets et il éjacule dans mon nombril. Il tombe amoureux de moi, mais il refuse de me présenter à ses amis ou à sa famille pour me protéger, il promet. Et quand il parle enfin de moi, il me raconte son coming out. Il a osé sortir du placard et admettre qu'il était en relation avec la grosse. La grosse de la classe, la grosse de la soirée, la grosse de la maison de la poésie, moi. Les femmes, les vraies femmes, celles qui détiennent le brevet déposé par la société, 100% féminité validée par la bite, 100% opprimées aussi, me méprisent. Je suis leur cauchemar. Je suis ce qu'elles risquent de devenir si elles commandent un dessert. Je suis l'épouvantail des petites filles. Si tu continues à manger comme une ogre, tu vas ressembler à la grosse. C'est la maman qui dit ça en me pointant du doigt. Comment il fait pour sortir avec elle ? C'est la meuf qui parle à sa copine de moi quand je passe dans la rue main dans la main avec un homme. Ce même homme qui me frappe, me ment et me trompe. Mais personne ne se demande comment je fais pour sortir avec lui. Je suis la grosse, c'est pire. Moi aussi je suis grosse, je comprends carrément ta vie. Celle-là, elle pense avoir 8 kilos de trop, elle pense me faire du bien, moi et mes 80 kilos en trop. Elle pense qu'on est dans la même équipe, parce qu'elle souffre. Elle est moins validée par la bite depuis qu'elle a grossi. Elle fait tout pour regagner son trophée perdu de femme. Elle prend des extraits de trucs et des fibres d'ananas. Tout pour ne pas me ressembler. Elle veut être dans mon équipe, mais elle fait tout pour la quitter. Mon gros corps est rempli de tristesse pour ces vraies femmes validées par la bite. Jamais fière d'elles, toujours prête à changer. Leur corps, leurs idées, leurs envies, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'être accompagnée. Par un homme, par sa bite. Ce qui compte, c'est d'avoir l'air heureuse. Juste l'air. Avec un filtre Instagram, si possible. Elles courent toute leur vie derrière un idéal qui les détruit. Je leur souhaite à toutes une bonne rémission. Mon équipe, c'est les chelous. Tous celles et ceux qui ont consciemment abandonné la course à la baisabilité. Celles et ceux qui ont arrêté de mesurer leur réussite à la solidité de l'érection de l'homme blanc cisgenre. Celles, ceux et les autres qui hurlent contre le patriarcat, l'hétéronormativité, la cisnormativité. Celles, ceux et les autres qui ont accepté d'être pour toute la vie en dehors de la norme. Et qui en font une fête. Qui se rassemblent et qui célèbrent leur bizarrerie et leur désir, qui baisent sans pénétration et qui pénètrent sans baiser, qui inventent un langage nouveau taillé pour leur réalité. Mon équipe, c'est le queer. Ce mot valise qui commence avec un gros cul dans ta tête, comme le mien. Ce mot qui me libère, qui me lave, qui me console et qui m'embrasse. Je ne veux plus m'assimiler. Je ne ferai plus d'efforts pour leur ressembler. Mon genre, c'est grosse queer. C'est presque redondant. Mon corps gros et toutes les expériences qui ont fait ce corps hors norme, toutes les souffrances, toutes les brimades, toutes les victoires, tout cela est profondément queer, profondément détestable par les autres, profondément joyeux et profondément vivant. Ce n'est pas une fuite, je n'ai pas abdiqué devant la norme, je ne me cache pas. Pour une fois dans ma vie de personne née avec une chatte, je choisis. Qui je suis, comment je me définis, avec qui je baise, comment je baise, pourquoi je baise. Rien n'est automatique. Rien n'est prédéfini. Le choix est infini, tout est possible. Je suis déprogrammée. Je m'appelle Daria Marx et je suis une grosse queer. Yeah. No merece yo que vos me tiro por el balcón. Me levanto a la mañana y te dedico el caracol. Vous venez d'entendre une musique de Cobra Kai qui s'appelle Caracola. Eh bien, merci pour ce choix de texte et pour la musique. On enchaîne avec un nouvel extrait de livre. Un extrait tiré du livre TDS, qui est un recueil de témoignages de travailleuses et travailleurs du sexe, qui, moi, m'a beaucoup parlé et est sorti de ma solitude de pute. Je suis de celles qu'on ne choisit pas. Non pas qu'on ne m'aime pas, au contraire. On me désire, on me veut. Mes yeux, mes mots, mes cheveux fous. On aime comme je parle. On aime comme je ris. On aime aussi comme je m'enflamme. Le feu s'allume et brûle. Mais je suis de celles qu'on ne choisit pas. Je suis de celles à qui l'on peut tout dire. De celles qui aiment jouer, rire, chanter. Je suis de celles qui changent du quotidien. D'ailleurs, le quotidien, on m'en tient bien loin. Je suis de celles qu'on voit une ou deux fois par semaine, de celles dont le message « Coucou, ça va ?» est une intrusion. Je suis de celles qu'on ne montre pas aux enfants. Je suis de celles dont ne parle pas à sa maman non plus, même quand elle vit dans une autre maison. Je suis de celles qu'on ne choisit pas. Quand je pense à ma mère hier, si t'es bien avec lui, mets de l'eau dans ton vin, ma chérie, c'est précieux si t'es bien avec lui. Maman, si tu savais. Si tu savais les fontaines que j'ai versées et que je suis encore prête à dégoupiller. 7 ans avec un homme marié, ma dignité s'y est noyée. J'avais voulu oublier que je suis de celles qu'on ne choisit pas. Et l'hiver dernier, étoiles, baisers et feux follets, j'ai encore voulu oublier. Consumer, effondrer. Les seuls qui me choisissent me voient 1 heure, parfois 2, et repartent plus légers de quelques billets. Mais pour le reste, je suis de celles qu'on ne choisit pas. About you is perfect, boy. Vous êtes toujours en direct sur Radio Dio 89.5 dans Comme un ouragan, l'émission féministe et transpée des Queens. Et tu veux bien nous dire qu'est-ce qu'on a écouté comme morceau ? On vient d'écouter I Never Loved This Hard This Fast Before de Tamiti, une meuf trans vraiment très chouette. Qui a trop la classe, on l'adore. Et du coup, justement, là, je vais. Moi, j'ai choisi. Deux extraits de Femme magnifique et dangereuse, une autre femme trans qui s'appelle Kay Shenton. Le sous-titre, c'est Mémoire affabulée d'une femme trans, d'une fille trans. Et alors, le premier extrait, il est de la première partie qui s'intitule Fugue. La ville de cendres et de lumière. À l'ouest de l'océan et à l'est du vent, il y a un lieu qu'on appelle la ville de cendres et de lumière. Les rues y sont courbées et la lumière est ronde. Je me suis trompé, je vais reprendre. Donc, les rues y sont courbées et la lumière est lourde et l'air est teinté du gris cendré que recrachent les élégantes lèvres piquées de cigarettes des fantômes affamés qui nagent à travers le brouillard. Dans la ville de cendres et de lumière, dit-on, tout peut y arriver si on rêve. Aussitôt qu'un récit extravagant quitte ta bouche enchanteresse, il tombe au sol, moite et tiède, frémissant de possibilités luxuriantes. Ça s'enfonce dans la terre, s'y enracine. Ça fend les trottoirs, quand ça grandit, haut et grêle. Tu peux être n'importe qui, dit-on. Dans la ville de cendres et de lumière, les loyers ne sont pas chers et les rues y sont étroites et les gens y sont si déjantés qu'on les croirait évadés de l'enfer. Tu peux être tout ce que tu veux. Sportif, motard, mauvaise fille, punk roqueuse, reine des fées, gothique, artiste, poteux, vampire, dominatrix, soumis, sorcière, homme, femme, méduse, monstre, mère, poète, démon, garçon perdu, apparition bioluminescente, luisant dans la nuit, super-héros, déesse, forte, belle, puissant, intouchable, intègre, dans la ville de cendres et de lumière. Tu peux être la femme à la peau douce et dorée, comme une mangue qui roule des hanches au son de la basse à 3 heures du matin, ou le squelette androgyne dont les mains d'eau glacée se glissent dans les cheveux humides de la danseuse. Tu peux être un homme au manteau en cuir de lézard qui marche en longeant le pas dans une ruelle jonchée de tessons, ou une reine couronnée de plumes à haut talons pailletés qui envoie la main depuis une porte arrière grande ouverte. Tu peux être un enfant changelin, avec la peau tantôt chaude, tantôt froide, variant au rythme des tambours lunaires, refusant de décider avec qui faire l'amour ou quand prendre forme. Et donc, je prends tout l'argent que j'ai pu économiser ou voler et les dépense sur un aller simple d'un autocar brinque-ballant qui ressemble à une canette géante de boisson gazeuse. J'entasse tous mes indispensables dans mon sac à dos miteux. Quelques vêtements, du rouge à lèvres, le canif que je garde toujours avec moi, les carnets dans lesquels j'écris des fragments de récits et des souhaits et des cauchemars intéressants. Je dis adieu à tout le reste, aux livres d'école dans ma chambre et à la balançoire dans le parc derrière la maison de mes parents, au chant des coyotes et au ciel gris argenté de la morose. Je monte dans l'autobus et je me trouve, au fond, un siège qui sent la vieille cigarette et qui est un peu poisseux. Je m'avachis pour que personne ne me regarde. Parfois, pour devenir quelqu'une d'autre, il te faut d'abord devenir personne. Il te faut abandonner ta mère et ton père, la maison tordue, affamée, dans laquelle tu as grandi, qui voulait te dévorer et te digérer en entier. Oublie, si tu peux, toutes les promesses que tu as faites et les mensonges que tu as proférés. Oublie les cicatrices que tu as laissées, une, deux, trois fois sur ton poignet gauche. Oublie les fleurs et les abeilles tueuses et tous les gens que tu as connus jusqu'ici. Dans la ville de cendres et de lumière, dit-on, tu peux être tout ce dont tu rêves. Surtout si tu as l'expérience des cauchemars profonds et sauvages. Et donc, je vais trouver le lieu où prend fin mon ombre et où commence mon corps. Ferme tes yeux, on se rejoint là-bas. Voilà, c'était le premier extrait. Et j'avais envie de vous lire un deuxième, qu'on trouve dans la deuxième partie, qui s'appelle La rue des miracles. Et l'extrait, c'est Femme magnifique et dangereuse. Donc, les histoires sont vraies. La ville de cendres et de lumière est remplie de femmes fortes et fabuleuses. Des femmes trans dangereuses, chaudes comme des étoiles bleues. On peut les trouver partout, si on sait comment chercher. Et croyez-moi, je regarde partout. Je ne peux pas détacher mes yeux d'elle, ses visions de ce que je pourrais être, de ce que je suis en train de devenir. Ma première amie trans m'a trouvée dès que j'ai mis les pieds ici. Elle s'appelle Kimaya et elle est géniale. Alors que je me tenais à côté de la gare d'autobus crasseuse, clignant des yeux dans l'air enfumé et bouche bée à la vue de tous ces gens et de toutes ces voitures circulant dans les rues, elle est descendue vers moi, tel un oiseau venu du paradis, paré de ses bijoux, et m'a dit « Es-tu perdue, chérie ? Toi, tu as l'air d'une fille qui va se mettre dans le trouble. » On trouve les femmes les plus ardentes et les plus puissantes de la ville sur la rue des Miracles, au cœur du centre-ville. Le temps est lent et la mémoire est fluide, rue des Miracles. Il y fait toujours nuit. Ici, n'importe quoi peut être perdu, trouvé et acheté à bon prix. Des lanternes rouges et or flottent, suspendues à des fils invisibles entre les toits des restaurants, théâtres, bars, boutiques érotiques, bars-salons, strip-clubs, bars à chicha. Des nuages de fumée parfumés se diffusent dans l'air, au rythme des basses et des gens venus faire la fête. La plupart des personnes que tu croises sur la rue viennent s'amuser, sont ici le temps d'une soirée et de retour au bercail le matin. Mais pour les femmes magnifiques et dangereuses de la ville, c'est un lieu où vivre et travailler. C'est leur magie, plus que toute autre chose, qui alimente la fête éternelle pour laquelle la rue des Miracles est si célèbre. Selon la légende, me dit ma nouvelle amie Kimaya, la rue fut créée il y a plus de 70 ans, quand une femme fut battue à mort par un client potentiel devant une douzaine de témoins passifs. C'est son sang répandu qui a causé la nuit perpétuelle. Ses os se trouvent toujours quelque part sous les pavés, ainsi que son cœur calcifié, appelant les filles trans à elle, les incitant à vivre leur vie courageusement, peu importe le prix. Sur la rue, elle est une légende, une déesse. Elle l'appelle, ou plutôt nous l'appelons, la première femme. Déjà, en moins de 3 semaines, j'ai rencontré tellement de femmes, elles forment un panthéon de déesses chacune unique. Il y a Rapunzel, l'amoureuse de Kimaya, qui est de loin la personne la plus énorme que j'ai vue de toute ma vie. Elle bloque la lumière du soleil partout où elle va, un globe de femme obsidienne, toujours avec ses talons roses vifs à motif de léopard gros comme des bateaux. Ses extensions capillaires forment une forêt de longues tresses couleur or, d'où son nom. Rapunzel a toujours quelque chose de croustillant à partager avec toi. La bouffe qu'elle vient d'acheter, l'argent qu'elle vient de faire, les potins qu'elle vient d'entendre des autres filles. Il y a Lucrécia, une princesse blonde, blanche, avec des jambes longues d'un kilomètre. Parce qu'elle est ravissante, elle peut se permettre d'être méchante et sans délecte. Il y a Valaria, qui fait 6 pieds et un crâne rasé. Elle porte toujours des boucles d'oreilles faites d'une chaîne de cerceau clouté et des bottes en cuir noir recouvertes de pointes en métal. Elle parle rarement, mais quand elle le fait, sa voix gronde comme un orage et couvre. Et tout le monde porte attention. À mes yeux, elle ressemble à la déesse de la guerre. Il y a Alzena la sorcière, qui est toute en os, énormes yeux dorés et longs ongles vernis. Alzena s'est tirée au tarot, soignée un mal de gorge et lancée une malédiction. Elle maîtrise l'art de susciter l'amour, mais ignore comment y mettre fin. Il y a Esperanza, qui ne parle que l'espagnol et qui porte toujours du rouge à lèvres, rouge éclatant. Il y a Marie-Ève, dont le visage est couvert de rides et qui est la seule femme trans de plus de 70 ans dont j'ai entendu parler. Il y a Ivana, il y a Laurentine, il y a Soraya, il y a Gwen, il y a Ying, il y a Nour, il y a Morena. Et il y en a d'autres encore et encore et encore et encore. Peut-être plus que je vais jamais en rencontrer. Et tout peut arriver maintenant que je suis avec elle. Alors, c'était Moisissure de Maria Violenza. Et pour revenir sur l'extrait de Femme magnifique et dangereuse, voilà, je conseille vraiment la lecture parce que c'est super. Ça a été ma pépite de l'hiver. Ça donne envie, en tout cas. C'est hyper poétique. C'est chouette. Extrait suivant. On va enchaîner avec un extrait du livre Manifeste d'une femme trans de Julia Serrano. Je tiens à préciser que je ne suis pas d'accord avec l'entièreté de ce texte, mais c'est quand même une super belle déclaration d'amour à toutes les meufs trans. Ça a commencé par une discussion avec un ami. À vrai dire, ça ressemblait plutôt à un gros coup de gueule de ma part. J'étais en train de m'énerver sur une autre de ces scènes stupides, grossières et récurrentes que j'ai dû voir jusqu'à présent dans pas moins de 39 films grand public différents. Vous savez, celle où le mec tombe amoureux d'une fille qui s'avère ne pas être 100% fille, génitalement parlant. Docilement, le public s'identifie toujours au mec, riant de concert face à son embarras ou faisant écho à son dégoût par une grimace menaçante. Et jamais personne ne réfléchit à deux fois à la travelot. Qui elle est ou comment elle se sent suite à l'incident. Parce qu'elle n'est qu'un accessoire, comme la peau de banane qui existe uniquement pour que la star d'un film muet puisse glisser dessus. J'ai fini par conclure ma diatribe en vilipendant toutes ces personnes arrogantes et ignorantes qui ne considèrent l'existence des femmes trans que lorsqu'elles se demandent de quelle manière nous pourrions affecter leur propre orientation sexuelle. Mon ami, un homme hétérosexuel, a écouté patiemment toute ma tirade puis m'a demandé « Alors, dis-moi, comment te sentirais-tu si tu étais intéressé par une femme puis que tu découvrais qu'elle était transsexuelle ?» Mon ami sait que je suis mariée, monogame et contente de l'être, alors il était évident que sa question restait très hypothétique. Néanmoins, il a semblé surpris quand je lui ai répondu que cela ne me poserait pas le moindre problème. Il ne s'agirait pas pour moi de simplement tolérer une relation avec une femme trans. Au contraire, je considérerais cela comme un honneur. Pour dire la vérité, durant les 3 dernières années environ, la moitié des femmes qui ont suscité mon intérêt, que j'aurais imaginé draguer si j'avais voulu sortir avec quelqu'une, se sont avérées être des femmes trans. À peine avais-je mentionné ceci que mon ami a dit « Oh, je ne pensais pas que tu étais une fétichiste des trans ». Je l'ai alors remercié sarcastiquement d'insinuer que la seule raison pour laquelle une personne pouvait être attirée par quelqu'une comme moi était qu'elle souffre d'une sorte de perversion sexuelle. Après l'avoir engueulé, j'ai continué en expliquant qu'il y a de nombreux traits de personnalité que je trouve attirants chez les femmes. La passion, la créativité, le sens de l'humour et la confiance en soi. Et d'après mon expérience, je peux dire que les femmes trans ont tendance à disposer avec force de toutes ces qualités. Alors que certains hommes adorateurs des femmes trans ont tendance à nous fétichiser pour notre féminité ou notre soumission sexuelle supposée, je trouve les femmes trans sexy parce que nous sommes tous sauf dociles ou effacées. Pour survivre en tant que femme trans, tu dois être par définition imperméable, impassible, inébranlable et tenace. Dans une culture au sein de laquelle l'appartenance au genre féminin et la féminité font les frais d'une éternelle campagne de diffamation, il n'y a pas d'acte plus courageux, notamment pour une personne qui a été assignée garçon à la naissance, que d'embrasser sa propre féminitude. Et contrairement à ces hommes chasseurs de travelots qui disent aimer les « T-girls » parce que nous serions censés incarner le meilleur des deux mondes, je suis attiré par les femmes trans parce que nous sommes terriblement femmes. Mon appartenance au genre féminin est si intense qu'elle a anéanti les milliards de chromosomes Y minables qui se cachent honteusement dans les cellules de mon corps. Et ma féminitude est si implacable qu'elle a survécu à plus de 30 années de socialisation masculine et à 20 ans d'empoisonnement à la testostérone. Certains pervers en quête de frissons perçoivent les femmes trans comme des fantasmes sexuels androgynes. Mais c'est seulement parce qu'ils sont trop absorbés par eux-mêmes pour voir à quel point nous sommes terriblement et profondément femmes. À ce moment de la conversation, mon ami a essayé de jouer ce qu'il pensait probablement être sa carte maîtresse. Il m'a demandé « Alors, que se passerait-il si tu te rendais compte qu'une femme trans qui t'attire avait encore un pénis ?» J'ai ri, puis j'ai répondu que j'étais attiré par des personnes, pas par des morceaux de corps désincarnés. Et que je serais une amante égoïste, ignorante et décevante si je m'imaginais que les organes génitaux de ma partenaire existaient avant tout pour mon plaisir plutôt que pour le sien. Tout ce qu'il y a à savoir sur les organes génitaux, c'est qu'ils sont faits de chair, de sang et de millions de minuscules terminaisons nerveuses frissonnantes. Toute autre chose que vous pourriez y voir serait pure hallucination, un produit de votre propre imagination débordante. Pour paraphraser le célèbre dicton, le contraire de l'attraction n'est pas la répulsion, mais l'indifférence. Ainsi, toute personne qui paniquerait face aux organes génitaux inattendus de son amante est probablement un peu plus intéressée par les pénis qu'elle n'oserait jamais l'admettre. Et au passage, ceci s'applique aussi à ces fameuses lesbiennes qui s'identifient « women born women » et qui semblent se calquer sur les attitudes stéréotypées des hommes hétérosexuels dès qu'il s'agit de ce point précis. Mon ami, apparemment toujours perplexe, m'a demandé « Alors, si ce n'est pas les organes génitaux, qu'est-ce qui t'attire le plus dans le corps des femmes trans ?» Je me suis arrêté une seconde pour réfléchir à la question. Puis j'ai répondu que c'était presque toujours leurs yeux. Quand je les regarde, j'y vois à la fois une force inépuisable et une tristesse inconsolable. Je vois une personne qui a surmonté des humiliations et des attaques qui auraient abattu n'importe qui. Je vois une femme à qui l'on a appris à avoir honte de ses désirs et qui a finalement eu le courage de les poursuivre malgré tout. Je vois une femme qu'on a forcée contre sa volonté à vivre une enfance de petit garçon, qui s'est accrochée à un rêve que tout son entourage essayait désespérément de lui faire oublier, qui a refusé d'écouter le flot incessant de gens lui disant que ce qu'elle était et ce qu'elle voulait n'existait pas. Quand je regarde dans les yeux des femmes trans, je comprends en profondeur à quel point cela peut donner de la force d'être une femme, ce que beaucoup de femmes cissexuelles semblent pourtant avoir oublié, prenant leur identité et anatomie de femme pour acquise, ou se résignant malheureusement à un rôle passif, plutôt que de s'approprier une position d'actrice. Dans les yeux des femmes trans, je vois une sagesse qui ne peut que provenir du fait d'avoir eu à se battre pour être reconnue en tant que femme, une force brute qui ne peut que provenir du fait d'avoir eu à affirmer fièrement son droit à être femme dans ce monde inhospitalier. Dans les yeux des femmes trans, je vois des personnes qui comprennent que, dans une culture qui s'est de toute évidence construite sur l'hystérie homophobe masculine, assumer d'être une femme et exprimer ouvertement sa féminitude n'est pas un signe de frivolité, de faiblesse ou de passivité, mais un terrible symbole de courage. Tout le monde aime à dire que les drag queens sont fabuleuses, mais personne ne semble se rendre compte que les femmes trans sont des grosses dures super canons qui déchirent tout. C'est à ce moment de la conversation que j'ai réalisé que si je trouve les femmes trans attirantes, c'est peut-être parce que je vois un peu de moi en elles. Dans leurs yeux, je vois une part de moi-même que personne d'autre ne semble jamais voir. Une part qui semble demeurer incompréhensible pour celles et ceux qui n'ont pas un vécu de femme trans. Et peut-être que c'est narcissique d'être attiré par quelqu'une qui me rappelle un peu moi-même. Mais après avoir passé la majeure partie de ma vie à culpabiliser de qui j'étais et de ce que je voulais, j'aime à penser que mon attirance pour les femmes trans est peut-être le signe que je commence enfin à apprendre à m'aimer. Merci beaucoup pour ce très beau texte de Julia Serrano. Vous êtes toujours dans Common Wagon, en direct sur Radio Dio 89.5 FM. Et pour terminer cette émission, et ben on va parler de cul. Parce que, comme le dit le célèbre rappeur PD Lapsusseur, tout est dans le trou de balle. Depuis quand on baigne dans cette division cis-hétéropatriarcat coloniale des corps entre pénétrables et impénétrables? Par où passe la racialisation et la colonisation des corps en matière de sexualité, en particulier d'analité? Comment nos pratiques sexuelles, notamment anales, jouent sur nos rapports à nos corps, nos genres et sur les dynamiques de pouvoir en général? Qu'est-ce qui change dans nos sexualités quand on transitionne? Pourquoi féminité, passivité et donner son cul sont souvent liés dans cette société, spoiler, misogynie, culture du viol? Qu'est-ce que les Gwyn, les bi et les PD ont à s'apprendre mutuellement en matière de dilatation? Quelle est la meilleure technique de douche anale? Tu veux essayer mon nouveau god avec la tête qui tourne et qui plus en même temps? Pourquoi c'est si difficile de parler de nos culs, même entre queer? Est-ce que le cul c'est sale? Si oui, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça doit toujours faire mal la première fois? L'épidémie du VIH-Sida étant loin d'être terminée, ça veut dire quoi d'hériter en tant que queer des milliers de morts qu'elle a laissés? Tu me passes le lube, bébé? Tu préfères pas l'huile de coco? Tu sais bien que c'est pas compatible avec le latex. Est-ce qu'il y a moyen de placer les mots sodomie, fist et prolapse dans un colloque universitaire? Comment se mettre à l'écoute de nos culs, de leurs traumas et de leurs peurs, de leurs désirs et de leurs fantasmes? Où et quand on se raconte et on rassemble nos archives érotiques queer, les savoir-faire et les techniques du cul accumulés pendant des lustres, dans les marches parfois effrayantes, mais aussi excitantes de la société cis-hétéro. Waouh, et ben moi, quand j'ai lu ce bout de préface, ça m'a donné tout de suite grave envie de dévorer ce livre. Ce livre, c'est « Enculé politique anal » de Javier Saez et Sarah Carrascosa. Et il a été traduit par les éditions Les Grillages, une petite maison d'édition grenobloise. Et il est sorti cet automne. Et puis, faut dire aussi que les traducteuristes de ce livre, eh ben, je les ai croisés pour certaines dans des espaces PD, voire des espaces BDSM, où on aime bien parler et jouer avec nos culs. Alors ce soir, j'avais envie de vous le présenter, ce livre que moi j'ai beaucoup aimé. Et avant de vous faire écouter quelques extraits, ça m'a donné envie de demander à Ruby, qui est une des traductrices de ce livre, comment elle l'avait découvert et ce qui lui avait donné envie de le traduire. Salut, comme un ouragan. Moi, c'est Ruby et je voulais vous parler un petit peu d'Enculé, politique anale, qui est sorti en décembre 2021 aux éditions Les Grillages. Alors, la première question, c'était comment j'ai découvert Enculé, du coup, pour le culo, Politicas Anales, avant de le traduire. C'était en mars 2020, vraiment, je pense le 15 mars, quoi, avant l'annonce du premier confinement de 16 mars. Et c'était dans la bibliothèque de l'appart d'Alix et Zélie à Grenoble, que j'étais allé leur rendre visite. C'est des amis que j'ai connus via le web, P de la revue et des espaces queer BDSM, et j'étais passé leur rendre visite à Greux. Je me souviens, on a fait une session tatouage, c'était le moment où j'ai fait mon premier tatouage, qui est un dessin de Rémi, qui est aussi un pote de P de la revue. Enfin voilà, c'était tout cet univers-là. Et je vois le livre dans la bibliothèque, et j'étais direct attiré évidemment par le titre, vendeur, et aussi par le nom de Javier Saez, que je connaissais pour ses écrits Marica, Transfeminista, assez radicaux et super drôles, et qui notamment avait cette espèce d'originalité que je trouvais par rapport au contexte français d'apporter des perspectives PD, très nourries et façonnées par les pensées transféministes et queer. Voilà, et qui lit depuis son vécu de PD, qui lit et traduit Butler, Wittig, Halberstam, qui est lié aux mouvements sociaux anarcho-queer, transboyer America, au mouvement des occupations, des squats, qui a aussi un rapport que je trouve intéressant à la psychanalyse, un rapport assez pervers, mais il y prend ce qui l'intéresse, comme dans le chapitre là sur Freud dans le livre. Et je trouve ça plus intéressant que des fois les simples rejets. Et ouais, cette idée de politique anale, de poner le culo, ça m'excite aussi pour des raisons assez personnelles, puisque c'était un moment de grande connexion avec ma sexualité anale. Avec plein d'envies, notamment à l'époque, j'avais super envie de me faire fister pour la première fois. J'avais rencontré une partenaire très investie dans mon cul. Et ouais, c'était un contexte assez... assez bon pour lire tout ça, et donc je l'ai ramené à Berlin où j'habite, et là, ouais, premier confinement, donc soudainement toutes les activités sociales ferment, et du coup je me suis lancé dans la lecture de ce livre dans ce contexte là voilà. Et alors l'autre question, c'était qu'est-ce qui m'a donné envie de le traduire. En fait, très vite en lisant ce livre, j'ai senti j'ai découvert plein de trucs, j'ai appris plein de trucs, et c'était vraiment passionnant. Mais aussi, je pense, ce truc d'un livre assez simple à lire, enfin en tout cas simple, accessible, dans lequel c'était facile de rentrer, et j'avais l'impression qu'il pouvait être comme injecté d'une manière assez évidente dans plein de discussions communautaires, des espaces PD, queer... TPG que je fréquentais à l'époque, il allait pouvoir aussi servir, quoi. J'ai eu cette sensation là que c'est quelque chose dont on allait pouvoir se saisir. J'avais lu avant des philosophies, des théories, des textes plus conceptuels sur l'anal, sur l'analité, notamment des PD comme Guy Ockenheim ou Léo Bersani, mais aussi Paul Preciado. Et à la fois ça me stimulait vachement, à la fois voilà, je trouve que c'est difficile à amener dans la conversation pour des personnes qui n'ont pas forcément le goût ou l'habitude de ce langage-là, conceptuel académique. Et j'avais l'impression que, enfin, en tout cas très vite, pour le coup, ça m'a marqué, c'est

say. Couple Grammys on you, couple plaques, ayy. That's a fact, ayy. Throw it back, ayy. Throw it back, ayy. And this one is for the champion. Ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the year, yo. Then I went and did it again, yo. I told you long ago, on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog. Get your soul. One with Nicki now. Tell a rap nigga I don't see ya, huh. I'm a pop nigga like Bieber, huh. I don't fuck bitches, I'm queer, huh. But these nigga bitches like me dear. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ayy, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Where's y'all sense of humor? I'm done making jokes, cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Far from nothing, dog. Get your soul. Just tell them ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I want to hear you say. Vous êtes toujours en direct dans Comme un ouragan, 89.5 Radio Dio. Merci beaucoup à Ruby d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour Comme un ouragan. Et aussi merci beaucoup pour ce morceau de musique que tu as choisi de Lil Nas X qui s'appelle Industry Baby. Et Lil Nas X, un rappeur américain, et c'est le premier rappeur mainstream à se revendiquer Power Bottom. Power Bottom, c'est le fait de prendre le pouvoir dans sa sexualité tout en étant pénétré. Et du coup, ce rappeur, il fait l'éloge de la puissance des passifs dans sa musique, mais aussi dans l'esthétique de ses clips notamment. Voilà, moi je vous conseille d'aller voir ses clips qui sont plutôt chouettes. Et moi j'avais envie d'en profiter aussi pour faire des gros bisous aux autres personnes des éditions Les Grillages. Et j'avais envie de vous annoncer aussi les prochaines traductions qui vont paraître dans cette super maison d'édition. Il va y avoir Transgender Warriors de Leslie Feinberg et Fagots and the Friends in Between Revolutions de Larry Mitchells. Et ce livre, il sera illustré par Ned Asta. Voilà. On a hâte. Ouais, on a super hâte. Et pour terminer cette émission de Comme un ouragan, on vous propose d'écouter un montage d'extrait de ce super livre Enculé politique anal. Voilà. Bonne écoute. L'injure du cul. Enculé, va te faire enculer. Enculé de merde, sale enculé, enculé de ta mère. Le cul est le grand lieu de la blessure, de l'insulte. Comme nous le voyons dans toutes ces expressions quotidiennes, la pénétration anale, vécue par le sujet passif, est au centre du langage et du discours social. Elle incarne l'abject, l'horrible, le mauvais, le pire. Toutes ces expressions renvoient à une échelle de valeurs primordiale, consensuelle et généralisée. Être pénétré est quelque chose d'indésirable, une punition, une torture, un acte haineux, une humiliation, quelque chose de douloureux, la perte de la virilité. C'est un acte dans lequel il sera impossible de trouver du plaisir. C'est quelque chose qui transforme ton identité, qui te transforme de manière essentielle. Ça fait de toi un enculé, un trou du cul, une tapette. L'une des premières choses que l'on apprend à un garçon ou à une fille, c'est que se faire enculer est quelque chose d'horrible. Même si l'enfant ne sait pas exactement ce dont il s'agit, le ton insultant crée un apprentissage, fait naître une méfiance. Ce qui est intéressant dans l'insulte, c'est qu'elle crée une réalité sans référence, un jugement de valeur flottant, sans contenu. PD, Gwyn, va te faire enculer. Pour l'enfant qui entend ça les premières fois, ça ne signifie rien de concret. C'est le jugement négatif qui est transmis et perçu, pas la connaissance de ce que c'est d'être gay, lesbienne, ou de ce qu'est spécifiquement la pénétration anale. Il n'y a pas d'endoctrinement obligatoire et délibéré des enfants. Quand nous disons habituellement ces expressions « va te faire foutre »,« va te faire enculer »,« enculer », nous ne sommes pas conscients de la réalité que nous sommes en train de créer ou des valeurs que nous transmettons. Mais voilà, c'est l'insulte, et pour celui qui la reçoit, c'est la peur d'être marqué de ce genre de marque qui crée une identité. La peur d'être pointé du doigt, comme celui qui fait ça. Il aime se faire baiser, il s'est fait baiser, et son corollaire habituel, c'est un PD. Nous verrons plus loin ce qu'il en est de cet enchaînement imaginaire qui conduit à identifier la pénétration anale à l'homosexualité. Un geste qui fait au passage disparaître la pénétration anale du monde de l'hétérosexualité, nettoyant l'espace hétérosexuel de ce fléau. Mais tout nettoyage laisse des interstices sales. Il est impossible d'effacer complètement ce que les hétéros font de l'anal. Il reste des vestiges de ces pratiques, bien qu'elles tentent sans cesse de les effacer. C'est comme le cul, on le nettoie, mais il se salit de nouveau, encore et encore. Nous verrons plus loin que l'acte sexuel anal est inégalitaire. Celui qui endosse le rôle dit actif, la personne qui pénètre, est évalué différemment de celui qui endosse le rôle dit passif, la personne qui est pénétrée. Toutes ces expressions insultantes que nous avons évoquées concernent la personne qui reçoit la pénétration. La haine s'adresse à la position passive, et surtout à l'homme pénétré. Il n'est pas insultant de dire « va enculer, il est enculé, enculeur, baiseur de cul ». La masculinité des hommes est construite d'une manière étrange. D'une part, en évitant à tout prix la pénétration, mais d'autre part avec une curieuse permission de pénétrer n'importe quoi, y compris les culs des autres hommes. Grâce à ce double standard étonnant, cet acte dégoûtant que font les PD en s'enculant dans de nombreuses cultures ne menace pas la masculinité. Au contraire, avec leurs femmes, cet acte n'est soudain plus aussi dégoûtant, mais ils préfèrent ne pas en parler. Beaucoup de femmes pénètrent leur mari, on en parle encore moins. Beaucoup d'hommes pénètrent d'autres hommes sur les plages, dans les parcs, dans les toilettes, dans les saunas. Et parce qu'ils sont actifs, ils ne se considèrent pas comme gays ou pédés ou sodomites ou homosexuels. Les pédés, ce sont ceux qui sont pénétrés. Beaucoup de femmes pénètrent d'autres femmes par voie anale, même si ça n'existe pas dans l'imaginaire machiste et lesbophobe et le court répertoire de pratiques sexuelles qu'il peut concevoir. De nombreuses femmes trans, avec une bite, pénètrent des hommes, des femmes et d'autres femmes trans par l'anus. Mais cela est puni par le régime médical qui surveille les personnes trans. Car ça n'est pas compatible avec le fait d'être une vraie femme. Prends tes hormones, arrête de pénétrer, ou mieux encore, fais-toi opérer. Dans ta bouche trop souvent, c'est insulté, dans ta tête trop souvent, cette prière c'est d'être humilié, souillé, dominé et basculé, qu'on te prenne pour un. Ton rejet, t'es fait de faire ta virilité, ouais, macho, t'as l'honneur mal placé, et toi frangis, et vite t'en rajouter. Autre chose à dire. Le fist fucking ou pénétration anale avec le point fist est une pratique qui émerge au sein des communautés gays SM. Ce n'est pas nécessairement une pratique SM, dans le sens où ce n'est pas un jeu avec la douleur. Et en réalité, tous ceux qui font du SM ne pratiquent pas le fisting, et tous ceux qui pratiquent le fisting ne font pas du SM. Il faut cependant reconnaître un lien culturel entre les deux, puisque le fist émerge dans des espaces créés par la communauté SM. Gail Rubin fait une fascinante description de ces lieux dans son article « Les catacombes », dédié à un club SM à San Francisco, où les pratiques du fist ont fleuri dans les années 70. Le fist renvoie à deux espaces persécutés, refoulés, condamnés comme étant abjects, l'anus et la main. Le sexe génital n'est pas réprimé, mais encouragé par des images, des discours, des émissions. De nos jours, même les sexologues disent que la masturbation, c'est bon pour la santé. Parce que le sexe génital renforce la différence sexuelle et l'assignation des rôles de genre, homme pénétrant, femme pénétrée, cohérence ou fatalité de l'accouplement, chat pénis, etc. Le fils vient récupérer ces deux espaces proscrits, le travail du cul et de la main, bras, comme objet et sujet de plaisir. Dans son manifeste contrasexuel, Paul Preciado fait une rigoureuse généalogie du God pour montrer qu'il ne provient pas d'une imitation ou d'une référence au pénis, mais plutôt à la main. Le God provient de techniques et de machines conçues pour réprimer la main qui masturbe. C'est pourquoi on peut dire que le fist est une sorte de reconquête de terres interdites. Seul le médecin pouvait mettre sa main là-bas, dans l'anus et dans le rectum pour les examens. Dans le cas des hommes, c'était un examen honteux et privé, justifié comme moyen de détecter les maladies de la prostate. Les fists s'approprient cet espace privé et la catégorie de spécialistes et leur donnent un sens différent de communauté, d'apprentissage, de plaisir, d'autonomie. La centralité des organes génitaux et la dynamique érection-éjaculation obligatoire sont abandonnées. Il est curieux de constater que cet abandon du pénis apparaît dans un environnement gay, alors que nous sommes toujours présentés comme des adorateurs du phallus. Il existe également des pratiques SM et fist chez les lesbiennes et entre hétérosexuels, mais nous ne rentrerons pas ici dans la généalogie de ces pratiques qui sont différentes. Comme nous l'avons déjà souligné dans d'autres parties de ce livre, l'utilisation d'un espace abject tel que l'anus est autorisée dans les films porno, mais uniquement s'il est pénétré par un pénis. Le fist fabrique autre chose, c'est un porno sans organes génitaux. Comme nous l'avons souligné, les codes du porno traditionnel sont saturés par le scénario érection, pénétration, éjaculation, où l'axe narratif est toujours le pénis. Par contraste, dans de nombreux films porno de fist, on ne voit pas d'érection, voire pas d'organes génitaux. L'intérêt se déplace vers d'autres parties du corps. Lors de nombreuses fêtes de fist, la main et le bras sont gantés cérémonieusement avec un gant en latex. Cela nous rappelle le gant de Rita Hayworth dans Gilda, mais ici, c'est l'acte de mettre le gant qui est érotisé, pas le fait de l'enlever. On observe ici encore un exemple d'appropriation et de redéfinition. De l'utilisation initiale du gant due à la nécessité de se protéger de la transmission du VIH, on passe à une stylisation érotique du gant lui-même. Le bras pénètre dans le rectum, donne du plaisir, mais à son tour, il en reçoit aussi. Et le gant du XVIIe siècle, conçu pour prévenir la masturbation, s'est transformé en un gant qui produit du plaisir. Le processus de lubrification de la main et du bras se transforme également en acte érotique. L'anus comme lieu d'exploration de plaisir et de travail. L'anus et le rectum, lieux traditionnellement exclus du plaisir, sont revendiqués d'une manière différente. Non comme des endroits de réception du pénis, organes qui leur donnent leur valeur d'usage dans le porno, mais comme espace actif de production de plaisir et d'ouverture du corps. Comme le dit José-Manuel Martinez-Pula, spécialiste de la culture SM. Mettre le poing dans un cul affamé peut être une forme de tendresse et d'affection. Dans le cas du fist-fucking ou du foot-fucking, variant du fist avec le pied, il est évident que le but est la production de plaisir. Les participants peuvent jouer pendant des heures sans avoir besoin de jouir ou même d'avoir une érection. Pour l'un, il y a le plaisir de donner son cul à l'autre, ce qui demande beaucoup de confiance. Pour l'autre, le plaisir sera celui de coloniser d'une main l'intérieur d'un autre homme et de sentir ses battements de cœur, ce qui suppose une certaine expertise et une grande responsabilité. Comme le dit Jill Rubin, le fisting est un art qui consiste à séduire l'un des muscles les plus impressionnables et les plus tendus du corps. Le poing serré, défini normalement comme un geste d'agression et de menace, est ainsi redéfini comme un instrument d'affection et de tendresse. La caméra sera fixée sur lui, sur la crème Crisco qui le recouvre, sur l'orifice qui l'attend. Elle captera les mouvements de la main et les modifications progressives du cul. Elle capturera la complicité des participants manifestée dans les regards, les gémissements, les cris, etc. L'axe du récit n'est plus donc la bite en érection qui pénètre, le pénis plutôt mou passe en arrière-plan, mais il est transféré à la périphérie, vers le cul et le poing, vers des actions qui n'ont pas d'autre but que la production de plaisir corporel et mental. Tout est dans le trou de balle, tout est dans le trou de balle, tout est dans le trou de balle, tout est dans le trou de balle. De plus, l'anus et le poing ne sont pas marqués par le genre ou le sexe. Tout le monde a un anus et tout le monde a un bras. Qu'elle soit une femme, un homme, cis ou trans, intersexe ou diadique. Et cela est important, car pour les systèmes dominants, la différence sexuelle et l'assignation à des natures masculines et féminines est cruciale. On montre ici que cette différence n'est pas si évidente et qu'elle ne peut être même pas pertinente. Il s'agit d'une forme de sexualité très sophistiquée. Le fist défie le système de production du genre et déterritorialise le corps sexué en déplaçant l'intérêt des organes génitaux vers n'importe quelle autre partie du corps. De plus, le fist est versatile, celui qui met son poing peut plus tard en recevoir et vice-versa. Le code actif-passif se dissout également. Les clubs de fist remettent également en question la séparation entre espace public et espace privé, puisque ce sont des clubs où le fisting est pratiqué sous les yeux des autres. En général, le seul endroit où l'on peut jouer avec son cul, c'est les toilettes. Bien enfermé et en toute sécurité, le loquet verrouillé, nous avons tous joué sous la douche en nous doigtant le cul. Certains couples osent parfois explorer ce lieu inconnu dans l'espace privé du lit conjugal. Cependant, la pratique du fist au sein de la communauté SM a toujours été une pratique publique. Elle a lieu devant les yeux des autres personnes présentes dans le club. De plus, plusieurs personnes peuvent participer du fist. C'est une sorte d'acte social qui brise la barrière du couple enfermé dans une pièce. C'est là aussi une nouveauté en ce qui concerne l'utilisation honteuse du cul. Le fist est une sorte de sortie du placard anal, une fière démonstration du plaisir qu'il peut procurer et une façon de créer des liens de solidarité. J'ai commencé dans un parc sur une mini-pause, j'ai tellement pépo qu'il a le zizi mauve. Le vrai de sodomie, dev comme Johnny, mini dose de prep, je suis dev comme Lily Rose. En pleine ascension, regarde mon terre, si attention, je casse mon tête. Rame dans le fond, je bois ton sperme. Tape, tape dans le fond, je suis pas ton père. Je craque, je me défoule contre des terres. Clap, clap, c'est le bruit de tes boules contre mes fesses. Un gramme dans le youf, aïe. 2 grammes dans le youf, aïe. 1 kilo dans le youf, aïe. 2 kilos dans le youf, aïe. Tout est dans le trou de balle. Tout est dans le trou de balle. Tout est dans le trou de balle. Tout est dans le trou de balle. Voilà, c'était des extraits d'Enculé Politique Anal et les petits bouts de musique qu'on a entendus, c'était du coup L'Absuceur dans Lyon, je crois qu'il s'appelle le morceau, si je me rappelle bien. Et un morceau d'un vieux groupe de punk qui s'appelle Fetus Party et le morceau il s'appelle Positif Sodomie. Un vieux groupe de punk de Tours que je pense que si des copines nous entendent, ça leur fera peut-être plaisir d'avoir entendu ce groupe. Si ça vous a donné envie de lire ce livre, et ben, vous pouvez le retrouver aux permanences de la Grande Bulle Tendre. Ça nous a donné envie de lire et de faire bon usage de notre cul. Et aussi, d'être solidaire du cul. Si vous ne pouvez pas venir aux permanences de la Grande Bulle Tendre, il y a toujours moyen d'envoyer un mail à comme un ouragan. @riseup.net et on vous répondra et on pourra se donner rendez-vous pour que vous puissiez vous procurer ce livre. Et c'est quand la prochaine permanence, c'est le 6 juin, lundi 6 juin. Lundi 6 juin, très bien. De 17h à 21h. À l'amicale like de Tardy. Ouais, bah c'est la fin de Comme un ouragan. Comme un ouragan, on se retrouve dans 15 jours, du coup, le 24. C'est ça. Non. Un truc comme ça. Ouais. En tout cas, mardi, dans 15 jours, à 21h. Moi, ça m'a donné envie de lire tous les bouquins dont on a lu des extraits aujourd'hui. Alors, je ne suis pas une très grande lectrice, mais c'était trop bien de vous écouter. Merci. On se quitte avec un dernier morceau de musique, qui est un morceau de Mansfield Tia. Qu'on a été voir pour certaines en concert jeudi dernier au fil. Et on était plusieurs à être très déçus d'avoir pas pu entendre un de leurs tubes qui s'appelle Mon Amoureuse. Et voilà, dédicace à la personne avec qui j'ai fini la fin de soirée où on a eu une très chouette discussion sur ce morceau de rupture qui nous évoquait pas les mêmes ruptures. Voilà. Du coup, si vous nous écoutez, les copains, copines, eh ben, merci pour cette chouette discussion. Voilà. À dans 15 jours. À dans 15 jours. Des bisous et continuez à écouter Radio Joe. Demain, il se passe plein de trucs. Qu'elle était belle, ma maman baline, vue sur une prairie solitaire. Ma belle étante, sculpture androgyne, tu n'insistas pas pour me plaire. Je ne suis pas de celles qui bondissent sur le premier bijou souriant. Du temps, il me faut pour que j'agisse. Cœur de mousse, modère ses battements. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi, mon âme. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner de moi, mon amoureuse, telle une mère pressée. Où cours-tu, ma fugitive? Mon indécision t'a glacée, mais elle te réclame, mon âme vive. Tu m'as trop vite abandonnée. Tu m'as trop vite abandonnée. De moi, mon amoureuse, telle une mère pressée. Sous une pluie moqueuse, je te vois t'éloigner. De moi, mon amoureuse, telle une mère pressée. Ancré dans ma peau pensive, j'ai le sang bon de l'ingrate. Une absurde rancœur à vivre, l'odeur d'une ivresse écarlate.